Géraldine, dans votre carnet de philo, vous souhaitez revenir sur une affaire qui remonte au 7 décembre 2021. Affaire qui a eu lieu au centre Boris Eltsine d'Ekaterinbourg en Russie. Imaginez, c'est le premier jour de travail d'un agent de sécurité âgé d'une soixantaine d'années et qui restera anonyme. Tout juste embauché, il doit surveiller l'exposition en cours consacrée à l'art abstrait. Parmi les œuvres, celle de la peintre russe Anna Leporskaya, les trois figures sur laquelle on peut en effet voir trois figures dont les visages ne sont que des contours. Pas d'yeux, pas de bouche, pas de nez. Juste la forme de leur visage. Trop abstrait pour notre agent de sécurité, celui-ci a alors décidé de dessiner des yeux au stylo bille sur deux des trois visages. Deux paires d'yeux, tout ronds, tout con, qui viennent pourtant saccager une œuvre à 880 000 euros et dont la raison tiendrait à une crise de folie passagère, mais aussi à l'ennui. Car oui, selon l'agent lui-même, c'est par ennui qu'il s'est muni de son stylo bille et a dessiné sur l'œuvre d'art. Mais jusqu'où l'ennui est-il une excuse valable ? Ou autre question, l'ennui peut-il rendre fou ? Eh bien c'est vrai ça Guillaume, mais je ne sais pas d'ailleurs ce qui est le plus fou dans cette histoire, au-delà de l'atteinte à l'œuvre d'Anna Leporskaya qui va pouvoir être restaurée, je vous rassure. Est-ce le fait de se servir d'un stylo bille, ce qui est quand même une chose assez rare maintenant, de faire un dessin vraiment moche, il faut regarder sur le site, je l'ai mis en ligne, ou de justifier son geste, même pas par une revendication, mais juste par l'ennui. Eh bien si j'en suis une des pensées de Pascal, tout penche pour l'ennui. Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Et Pascal ajoute, pour enfoncer le clou, j'imagine, incontinent, l'homme donc sortira du fond de son âme l'ennui. Ce qui n'est pas une simple phrase en plus, car tout se joue ici, tout le paradoxe de l'ennui. L'ennui a beau nous être insupportable, nous dit Pascal, il sort pourtant du fin fond de notre âme. Ce qui, quand on y pense, rend parfaitement valable l'excuse de l'ennui. Sortir de soi quelque chose qui nous est insupportable, c'est pire que d'être aliéné, de ne pas se reconnaître et de faire, autrement dit, l'expérience d'une inquiétante étrangeté. C'est ne même pas se reconnaître. Et pourquoi ? Parce que l'ennui ne consiste littéralement en rien. Parce que l'ennui, ce n'est pas seulement être insupporté par soi-même, mais être insupporté par son absence de soi-même, son vide, son néant. Enfin, je crois que vous avez quand même compris l'idée. Ceci permet donc aussi de répondre à ma question, l'ennui peut-il rendre fou ? Apparemment, oui. Exactement, mais la folie, excuse très courante, devenue presque banale, a paradoxalement quelque chose de pas très fou, moins fou en tout cas que l'ennui. Et ça, vous l'avez entendu, parce qu'elle l'explique très bien. Si certains, c'est vrai, peuvent agir par folie pure, il faut reconnaître que ce qui nous guette toutes et tous, c'est d'abord l'ennui, surtout depuis les confinements. Ennui qui peut donc lui-même générer la folie. Et c'est ça le problème, on a minimisé le pouvoir de l'ennui, la force de l'ennui, la violence de l'ennui, la cause ultime qui est l'ennui. Quand on tombe sur une affaire comme celle-ci, où la vandalisation d'une œuvre est expliquée par l'ennui, on a envie de rire, c'est vrai. Parce que c'est bête d'abord comme histoire, c'est bête de prendre un stylo bille pour faire des yeux sur un tableau, mais on a envie de rire parce qu'il y a aussi quelque chose de très pertinent. Oui, on préfère faire tout et n'importe quoi à l'ennui. Oui, on préfère être quelqu'un, même anonyme, même fou, que rien du tout. Merci Géraldine Mosna à Savoie. Et dans les chemins de la philosophie aujourd'hui, on va parler de... C'est la semaine sur le handicap et aujourd'hui, on reçoit la secrétaire d'État Sophie Cluzel pour parler de la société inclusive.